actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, une émission de Paul Sarrès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5h. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Nous avons vécu, ici même, 1968, mai 1968, en France. Déplaçons-nous vers l'Est, direction la Tchécoslovaquie. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. L'autre 68, Prague, 20 ans après. Anne Kobinac, Blandine Masson, Antoine Speer. À 10 ans d'intervalle, le monde entier a les yeux tournés vers la Tchécoslovaquie. Une crise politique grave vient de secouer ce pays. Quelles sont les répercussions nationales? Que s'est-il passé en Tchécoslovaquie? Pour beaucoup d'esprits, la question reste posée. Et de sa réponse dépend l'explication non seulement du coup d'État ou du coup de barre, comme on voudra, du mois de février, mais même de l'évolution des événements qui vont de la démission du gouvernement de coalition de M. Gottwald et du suicide de Jean Masaryk aux élections générales qui ont lieu dans quelques semaines. Pour cette explication, à tous les sens du mot, si nous remontons à 1948, c'est que cette date est celle du coup de Prague, de la prise du pouvoir par les communistes. Clément Gottwald, le premier ministre, obtient le départ des ministres socialistes et démocrates non communistes. 10 ans après avoir été lâché à Munich par les puissances occidentales qui ont laissé Hitler s'emparer de la Tchécoslovaquie, les Tchèques et les Slovaques se réveillent sous la botte du parti. Qu'y a-t-il pour votre service, madame ? Il se leva et eut une si grande frayeur qu'il saisit des ciseaux et se mit à les faire claquer du bec. « Je vous dis, Boda, que je voudrais me faire couper les cheveux. » Boda eut encore plus peur. « Vous avez dit... »« Je vous dis, Boda, je veux que vous me coupiez les cheveux. Je veux les porter comme Joséphine Baker. » Boda soupesa mes cheveux en faisant de grands yeux. « Couper ce qui reste de l'ancien empire d'Autriche ? Jamais !» La chevelure sacrifiée est sans doute l'un des plus beaux romans de Bohumil Hrabal. Le coiffeur ne veut pas couper ses cheveux, qui symbolisent pour lui le passé tchèque, l'appartenance à l'Autriche-Hongrie de François Joseph. L'identité nationale culturelle tchèque puise au tréfonds de cet empire disloqué en 1918. Ivo Fleischmann. Les Tchèques, ce sont les éternels orphelins de la démocratie. La République tchécoslovaque est née en 1918. Avec son créateur, le savant, le professeur Masaryk. Et le professeur Masaryk concevait déjà la Première Guerre mondiale comme un conflit entre ce qu'il appelait les césaropapismes, c'est-à-dire entre les, dans son vocabulaire du 19e, c'est-à-dire ce qu'il considérait comme le conflit de l'absolutisme avec la démocratie. Et ainsi a été créée la Tchécoslovaquie, vu que c'est césaropapisme, ces trois dynasties, les Habsbourg, les Romanov, les Hohenzollern, ont perdu la bataille. Et c'était dans l'esprit des Tchèques, justement exprimé aussi par Masaryk, c'était la victoire de la démocratie. Et avec le recul, on se rend compte, surtout quand cette Tchécoslovaquie a disparu en 1938, avec la victoire diplomatique et politique de Hitler et de Mussolini sur les démocratie occidentale, qu'ils ont laissé tomber la Tchécoslovaquie, la seule démocratie en Europe centrale, puisque la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, etc., c'était pas des pays démocratiques. Et les Tchèques, ce sont les éternels orphelins de de la démocratie. Et également, il y a un autre aspect de l'affaire, que l'État tchécoslovaque démocratique ne peut exister tout simplement dans une Europe qui ne soit pas démocratique. Avec la Tchécoslovaquie disparaît avec la démocratie. Si j'ai fait ce que je fais maintenant dans les années 50, je serai pendu. Je serai pendu. Si je ai fait en 71, j'aurai 9 ou 10 ans de prison. En 79, j'ai reçu 3 ans de prison. Et maintenant, quand je fais beaucoup plus que j'ai fait il y a 10 ans, je suis libre de vous donner une interview. C'est à Prague que nous avons rencontré Jiří Dienstbier, l'un des initiateurs de la Charte 77, mouvement qui milite pour la démocratie et la défense des libertés. Dans les années 60, ce communiste était journaliste à la radio officielle, chroniqueur de politique étrangère. Aujourd'hui, après avoir passé plus de 5 ans en prison pour opinion non conforme, il est condamné à gagner sa vie en travaillant de ses mains. Il est chauffagiste. Nous l'avons rencontré dans un jardin public, après l'avoir accompagné dans une vaine course aux pneus neufs pour équiper sa vieille voiture. La crise économique ne facilite pas la vie quotidienne du citoyen tchèque. Les événements de 68 ont commencé pratiquement en 1956, après le 20e congrès du Parti communiste soviétique, après le discours de Khrushchev. En ce temps, beaucoup de communistes qui ont préparé et qui ont lutté pour le socialisme après la guerre ont compris finalement que le stalinisme est un système qui ne peut fonctionner, que c'est un système qui peut mener vers les crimes, que c'est une voie mauvaise. Et depuis 1956, c'était une lutte interne dans la société et même dans le Parti communiste tchécoslovaque, entre la faction qui voit en socialisme la démocratie plus profonde qui est le résultat des grandes révolutions du 18e et 19e siècle, et les autres qui ont accepté le stalinisme dans la moitié des années 60. Même la majorité dans le parti était convaincue que il faut lutter pour ce socialisme démocratique. Vous-même, vous étiez communiste à l'époque ? Oui, j'étais communiste depuis 1958. Voilà, je suis un journaliste, ou mieux, j'étais un journaliste. J'étais dans la radio. Tout a été changé graduellement et lentement. Depuis 62 jusqu'à 68. Par exemple, avant 63, on était obligé de prendre des nouvelles que de agences presse officielles. Et pendant la crise des missiles cubains, nous avons reçu, après une lutte, agence France Presse et Reuters, oui, on pouvait faire des nouvelles de plusieurs sources. On n'a pas été plus obligé de ne prendre que des nouvelles d'agences de presse officielle. Et même cette agence de presse officielle était obligée avant de prendre les nouvelles de l'Union soviétique que de TASS, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Est-ce que vous voulez dire par là qu'au fond, 68, c'est le terme d'un processus qui avait commencé dans les années 60? Oui, évidemment, ce n'était pas un accident, c'était un résultat de la situation. Své srdce na pospas ti dám. Já ne. Vždyť víš, že jen pro tebe láskou hynu. J'étais nommé directeur général de la télévision déjà en 1963, donc 4 ans avant le printemps de Prague. Hergé Pélican. C'était, il faut d'ailleurs ajouter, le 63, c'était le commencement du dégel politique parce que c'était l'année de la réhabilitation de Slansky et des victimes des procès staliniens. Et là a commencé un certain développement, une libéralisation, disons, qu'on pouvait publier les romans comme de Kundera, de Vatsouli, de Kohout, etc., ou des films de Forman, de Passer, etc. On peut faire aussi beaucoup de programmes intéressants à la télévision. Bien sûr, la censure continue encore exister. On a eu des conflits avec la censure. Vous savez, la censure était présente dans tous les journaux et aussi dans toutes les rédactions de la radio et de la télévision. Aucun programme ne pouvait aller dans l'air sans une approbation de la censure. Antonín Lim, journaliste et écrivain tchèque, rédacteur en chef de Literární Noviny à la fin des années 60. En 1967, c'est la direction, l'ancienne direction du parti et d'État qui est passée à contre-attaque contre le mouvement démocratique, le mouvement intellectuel, etc. Et cette contre-attaque était très dure. Et on sentait venir une période très difficile. Et à un moment donné, quand on a compris, juste avant le... Qu'est-ce qui s'est passé avant le Congrès ? Avant le Congrès, commençait la guerre de 6 jours Israël-Égypte. Et à ce moment-là, la presse du parti, après de nombreuses années, a ressorti tout l'arsenal et tout le vocabulaire stalinien sur le problème arabe-juif, sioniste, etc. Et à ce moment-là, nous avons fait, à mon journal, un débat entre 4 écrivains, dont 2 étaient juifs et 2 ne l'étaient pas, qui s'opposaient contre cette résurgence à propos de ce conflit israélo-égyptien du langage stalinien. Nous savions très bien que la censure ne laissera pas passer un débat pareil. Mais nous savions aussi que la censure enverra le texte à la direction de l'État et du parti. Et nous voulions envoyer ce message. À la veille du Congrès, se réunissait ce qu'on appelle le groupe communiste du Congrès. Et pendant cette réunion-là, il faut comprendre que le Congrès était composé quand même à 3/4 de membres du Parti communiste. Alors, c'était déjà un petit Congrès, si vous voulez. Il y avait déjà les représentants de la direction du Parti communiste et de l'État qui ont complètement oublié qu'il y aura un Congrès d'écrivains le lendemain. Ce qui les intéressait uniquement, c'est ce texte-là que la censure leur a donné. Et ils ont fait un diatribe énorme contre ces 3 écrivains, mais contre nous tous, finalement. Et on fait un grand spectacle de la résurgence de la politique stalinienne. Alors, le débat était très dur. Et cet après-midi-là que nous avons eu le sentiment que, pour très longtemps, c'était fini. Et pendant très longtemps, on n'aura pas la possibilité de s'exprimer ouvertement. C'est cette nuit-là qu'on a chacun écrit son discours parce qu'on pensait que c'est un testament. Et on les a prononcés, ces discours-là, dans une atmosphère qui était déjà énormément exaltée. Et on était absolument sûr que c'était la fin. Et c'était la fin, pas pour 2 mois, que c'était la fin peut-être pour 2 années. Édouard Goldschuker, vous avez été l'un des artisans de ce fameux congrès des écrivains de 67 qui a été, au dire de tous les Tchèques, le déclenchement du printemps de Prague. Alors comment ça s'est préparé, ce congrès des écrivains ? Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles circonstances l'initiative a été pensée ? Et est-ce que vous saviez, en le préparant, que ça allait être ce congrès historique ? On avait des idées que ça sera une sorte de confrontation des écrivains avec le pouvoir, c'est-à-dire avec le Parti communiste, le secrétariat du Parti communiste. Et le Parti communiste a pris des mesures en avant, par exemple par invitant les membres de l'Union des écrivains aux discussions séparées, discussions un à un, pour leur donner, soi-disant, la ligne à suivre au Congrès. C'était immédiatement après la guerre de 6 jours d'Israël, et c'était quelques semaines après la célèbre lettre de Solzhenitsyn à l'Union des écrivains soviétiques. Et ces deux problèmes venaient dans la discussion du Congrès au commencement. Après la lecture de la lettre de Solzhenitsyn... Elle a été lue devant tous les congressistes ? Il était lu. Après la lecture de cette lettre, le représentant du comité central du parti, le secrétaire du comité central, Hendrich, s'est levé avec toute la délégation du parti et a quitté le congrès avec des menaces contre l'Union des écrivains. Édouard Gochecker, qui avait pris l'initiative de lire cette lettre de Solzhenitsyn ? Oh, c'était Pavel Kohout. C'était Pavel Kohout. Et il était soutenu par tous les écrivains Oui, certainement. Plus tard, Pavel Kohout était l'un des 4 écrivains qui ont été punis pour leur rôle au Congrès. Il y avait 3 qui ont été expulsés du Parti communiste et Kohout a été puni par une admonition, ou comment vous l'appelez en français. Une admonestation. Oui. Mais à quelle époque il a été admonesté? C'était en septembre. Le comité central du parti discutait les événements et les résultats du congrès des écrivains en septembre. 67. Et le 67, oui, et ont pris des mesures punitives contre l'Union des écrivains. Et là, la direction a commis une énorme erreur, c'est-à-dire que contre, en souris, ils ont mobilisé la grande artillerie. C'est-à-dire parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir que nous soyons punis et exclus du parti par notre organisation de base, qui était ou celle de l'Union des écrivains ou celle de la ville de Prague, etc. Novotny a présenté le cas au comité central à séance plénière et a demandé au comité central de s'associer à des mesures répressives contre nous, contre les journaux des écrivains, contre les intellectuels. Mais à ce moment-là, dans ce comité central, il y avait déjà une forte minorité anti-novotnienne. Mais cette minorité-là ne considérait pas que c'était le bon moment de commencer la bataille. Alors ils se sont laissés humilier. Et malgré qu'ils étaient nos amis, ils ont voté pour la fermeture du journal, pour toutes ces mesures. Ils étaient naturellement dans un état terrible. Ils se sont excusés, ils ont tout fait possible. Et quand Novotny, la prochaine fois, sur le plan économique et sur le plan national, c'est-à-dire conflit entre les Tchécoslovaques, de nouveau se tournait vers le comité central et essayait de faire la même opération, cette minorité-là, humiliée, s'est révoltée et finalement lui a revendu ce qu'il lui a fait avaler en septembre. Et c'est comme ça, sans le savoir, finalement, nous avons peut-être servi comme catalyseur, mais pas intentionnellement. Madame Brozova était étudiante en 1968. Les étudiants, et pas seulement les étudiants pragois, vivaient avec beaucoup d'intérêt déjà le congrès des écrivains. Je placerai le printemps de Prague, plutôt son début, je le placerai déjà début 67, et puis bien entendu aux grandes manifestations d'octobre 67. Je me dis que nous étions une drôle de génération, parce que nous n'étions plus enthousiastes pour le modèle soviétique comme pouvaient l'être nos parents. Nous n'étions pas non plus fascinés par l'Occident. Nous étions certainement pour le socialisme. Nous étions à gauche sans illusion concernant notre régime. Et nous avions beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Certains d'entre nous... Non, on ne peut pas dire qu'on faisait l'entrisme dans les jeunesses communistes parce que c'était obligatoire quasiment. Mais nous espérions encore pouvoir le changer de l'intérieur. Et je me souviens des congrès des jeunesses communistes où beaucoup de choses ont été dites. Quelquefois, la direction a laissé faire. Quelquefois, le congrès s'est terminé en eau de boudin. Et puis, après le congrès, on a changé la direction ou ceux qui étaient supposés d'être responsables d'avoir laissé faire. Et puis, on recommençait. Et au prochain congrès, on recommençait avec des nouveaux. Je me souviens de quelque chose qui était très important, je pense, pour nous aussi. C'était une vague d'articles, et ensuite, bien sûr, l'apothéose, en 68 déjà, de Kafka. Je me souviens, la première conférence sur Kafka de Ragold Stücker, c'était quelque chose de pratiquement intime. Et je me souviens que la salle ne suffisait pas, qu'on était dans les couloirs, sur une chaise, on se tenait à quatre. Si vous voulez, c'était le début de renouveau pour nous. On pouvait parler de Kafka, on pouvait parler des thèmes de Kafka, on avait peut-être droit à un petit peu plus de liberté de pensée, de lecture. C'était, en fait, c'était la mort du réalisme socialiste. Voilà. Ce qui était aussi très important, c'était des nouveaux films qui commençaient à sortir dès 66. Par exemple ? Oh, il y en avait plein, ça ne dira rien à l'auditeur français parce que ces films-là, malheureusement, ont disparu avant même d'avoir pu être exportés. C'était très souvent les films... Bon, bien sûr, il y avait Forman, mais je... Kitilova ? Kitilova aussi, mais je pensais même à un film qui parlait de la période du haut Moyen-Âge, mais qui était nouveau dans ses techniques, qui était nouveau dans la manière dont le sujet était traité. Tout cela, c'était les signaux que tout changeait. Est-ce que tous les étudiants qui étaient avec vous avaient conscience de cette explosion démocratique et que tout changeait? On en avait certainement conscience, mais on était surtout très conscients du fait que c'est nous qui en faisions partie. Je n'ai pas honte de le dire, le printemps de Prague ne commence pas le 5 janvier avec les changements dans la direction. Je pense que si ce changement est intervenu, c'est parce qu'on sentait dans les sphères dirigeantes que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et je pense que dans un premier temps, les intellectuels, certes, reconnus, mais aussi les étudiants, les jeunes, étaient le moteur. Si le moteur a changé plus tard, c'est-à-dire si on continue à employer les catégories marxistes, si la classe ouvrière commençait à réagir, je pense que c'était bien après les jeunes, et notamment après les jeunes étudiants. Alors, est-ce que vous pouvez me raconter dans le détail ce qui s'est passé en octobre 67 à l'université de Prague ? Il y avait une cité universitaire nouvelle qui manquait, comme d'habitude, énormément d'infrastructures. La lumière était très souvent en panne. Les abords étaient boueux. Bon, bref, les étudiants en avaient ras-le-bol de travailler dans ces conditions-là. Oui, moi, j'étais étudiante et j'ai préparé mes examens terminaux. Alors, Madame Méchonine rencontrée à Prague. Je n'avais pas beaucoup de temps de suivre. Et puis, j'étais une étudiante tout à fait ordinaire. Je n'avais pas de relations avec les gens qui faisaient le printemps de Prague. Mais j'ai beaucoup suivi parce que j'ai vécu aux cités universitaires où les étudiants étaient très actifs. Et où on a commencé, je crois, en 1967, on a fait la première manifestation des étudiants qui était assez bizarre parce qu'il n'y avait toujours pas de la lumière. Vous savez, on étudiait, et puis tout d'un coup, il n'y avait plus de la lumière. Et on en avait assez. Un soir, 1000 ou 2000 étudiants, je ne sais plus, sont sortis avec des bougies. On a fait comme ça la première manifestation qui était... C'était quelque chose qui a déclenché après beaucoup d'autres manifestations et beaucoup d'autres événements, n'est-ce pas? Et comme la cité universitaire était sur les hauteurs, le chemin le plus court vers le centre de la ville, c'était passer par le château. Château des rois et château présidentiel. Bon, et puis comme les étudiants aimaient bien, à l'époque c'était quand même la période des happening, comme on disait, ben ils ont pris les bougies. Et puis, en descendant, on criait « Nous voulons la lumière ». Bien entendu, Novotny, le président de l'époque, le premier secrétaire du parti et blabla, considérait cela comme trop dangereux parce que quand on demande la lumière, on demande la lumière au sens politique et intellectuel du terme. Vous savez que après la Montagne Blanche, en Bohème, c'était la période des ténèbres. Donc cet appel historique, la lumière après les ténèbres, c'était beaucoup trop criant pour que l'on puisse accepter. Bon, alors ensuite il y a eu donc l'intervention de la police avec des gens blessés, etc. Nous étions persuadés que la répression ne pouvait pas marcher. Pour nous, ce n'était que reculer pour mieux sauter. Nous savions, sans savoir, que quelque chose allait arriver. Prague, à celui qui ne l'a vu qu'une seule fois, son nom au moins chante pour toujours dans le cœur. Elle est elle-même un chant tissé dans le temps, et nous l'aimons, qu'elle résonne. Une fois j'ai posé ma tête contre la pierre d'un vieux mur, quelque part sous la cour du château, et soudain résonna à mon oreille un morne grondement. C'était les siècles lointains qui clamaient. Mais l'humide, la molle marne de la Montagne Blanche chuchotait aimablement à mon oreille. Jaroslav Seifert. Pendant le printemps de Prague, la plupart des questions économiques ont été traitées par vous. C'est vous qui avez donné le signal en 62-63 d'une réforme économique sans précédent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels étaient les principes de cette réforme économique ? Wir haben erkannt, dass eine moderne, industriell entwickelte Gesellschaft nicht Nous avons compris qu'une société industrialisée moderne ne peut exister sans une économie de marché. Nous avons compris que la planification dans sa rigidité ne pouvait pas fonctionner sans ce marché. Et nous avons décidé qu'il fallait le réintroduire. Cela ne voulait pas dire que nous voulions retourner vers un système capitaliste. Ce mécanisme de marché et le capitalisme ne sont pas identiques. Les conditions d'un mécanisme du marché socialiste étaient de maintenir la propriété des moyens de production dans les grandes entreprises. Il fallait en même temps combiner le mécanisme du marché avec une planification de la macro-société. Est-ce qu'il y avait des forces en Tchécoslovaquie qui, au moment de 68, ont lutté contre vos idées économiques, ou est-ce que toute la direction du parti tchécoslovaque était acquise aux réformes que vous proposiez ? À l'intérieur de l'appareil du parti, la résistance par rapport à nos idées de réforme et nos buts était extrêmement forte. Notre soutien était un soutien essentiellement populaire parmi de larges couches de la population tchécoslovaque. L'appareil du parti était représenté par Novotny. Mais cet appareil n'a absolument pas pu proposer des changements et des réformes dans une situation économique catastrophique. Parce que la situation économique était telle, les réformateurs au sein du parti, soutenus par la population, pouvaient s'opposer à Novotny et aux conservateurs. Notre lutte au sein du parti contre Novotny s'est renforcée d'année en année, de mois en mois, jusqu'au moment de sa chute. Et en 68, est-ce qu'il y avait encore dans le parti de Dubček des gens qui critiquaient vos propositions? Et pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre le 14e congrès clandestin pour que vienne l'idée de l'autogestion ou au moins d'une intervention directe des travailleurs dans l'entreprise? Il s'agit là d'une erreur. L'idée d'une autogestion était déjà contenue dans nos projets de réforme. Dans la pratique, au moment de ma participation au gouvernement, cette idée était proposée par moi sous forme d'un plan concret, mais dans la mesure où 2/3 des membres du gouvernement étaient des anciens aux tendances conservatrices, et nous n'étions que très peu à défendre ce type d'idée, ce plan n'a jamais pu être réalisé ou mis en application. Réticence donc dans le gouvernement du printemps de Prague à appliquer votre réforme. Le printemps de Prague n'était qu'une préparation. C'est pour ça que notre but était, par l'intermédiaire de ce congrès du parti, de renouveler les cadres du parti et les structures mêmes de la classe politique. Mais dans la mesure où je ne pouvais pas mettre en application mon plan d'autogestion, je me suis adressé à l'opinion publique lors d'un grand meeting. Les journaux ont repris mes propositions et les grandes entreprises, certaines entreprises, ont spontanément repris mes idées et les ont mises en application. C'était en juin 1968. On ne doit pas oublier que le printemps de Prague n'était que le début et devait servir à mettre en place un système libre des anciennes structures. Il n'était pas question, au moment du printemps, de changer immédiatement l'ancien système. Mais le printemps de Prague était le moment qui préparait pour l'avenir un changement des structures politiques, économiques et sociales. J'étais rédacteur du quotidien des syndicats. Les noms de ces quotidiens étaient « Práce, travail ». Oui. Jean Stern, rencontré à Prague. Nous avons propagé l'autogestion, nous avons propagé la plus grande indépendance des syndicats dans les possibilités qui étaient dans les années 60 quand était Novotny le chef de la partie. Les idées générales étaient d'aller du modèle bureaucratique à un modèle d'autogestion, non seulement dans l'économie, mais dans toute la société. C'était notre stratégie. Notre journal n'était pas tout à fait lu par l'élite de la culture. Nous étions un journal des hommes qui n'étaient pas dans la partie. Oui, notre lecteur était un lecteur tout à fait commun, non? Rudolf Slansky a été secrétaire général du Parti communiste tchécoslovaque de 1945 à 1951. Arrêté et exécuté en 1952 comme chef de la conspiration contre l'État, il a été réhabilité en 1963, mais sa réhabilitation complète à l'échelon du parti ne fut jamais totale. C'est son fils, Rudolf Slansky, qui est l'un des animateurs de la Charte 77. Économiste, il suit de près l'évolution politique sans se cantonner au domaine économique. Avec le congrès de l'Union des écrivains tchécoslovaques, il a paru évident que tout changement ne pourrait être réalisé qu'en liaison avec la démocratisation de la société et qu'il ne sera plus possible de séparer les réformes économiques et sociales des réformes du système politique. Bien sûr, les causes de la crise n'ont pas été seulement économiques, c'était aussi les questions nationales, les questions des relations entre Tchèques et Slovaques, une question qui a mené vers l'éclatement de la crise et vers la nécessité de rechercher une solution déjà en fin de 1967. Vous pouvez développer un petit peu cette question nationale, c'est-à-dire cette opposition entre Tchèques et Slovaques, qui, à votre avis, est à la source aussi du mouvement de 68? Quand en 1918 a été créée la République tchécoslovaque, deux territoires se sont réunis pour former un seul État. Les terres tchèques très évoluées, la partie la plus industrialisée de l'Empire austro-hongrois, et la Slovaquie, une des régions les plus attardées de la déjà très attardée Hongrie. Même si, déjà avant la Seconde Guerre mondiale, on a réussi d'assurer un certain rééquilibrage dans l'évolution culturelle des Tchèques et des Slovaques, même si dans les années 50 et au début des années 60, on a beaucoup fait pour l'équilibre économique des deux régions de l'État tchécoslovaque, la Slovaquie ressentait comme un grand préjudice envers ses propres intérêts nationaux le modèle asymétrique de l'organisation de la République, où les intérêts nationaux slovaques étaient insuffisamment représentés et respectés. Le centre de décision du pouvoir était à Prague et les demandes venues de Slovaquie n'étaient que très peu prises en considération. Les Slovaques avaient donc beaucoup, beaucoup de raisons valables d'être mécontents. À l'intérieur du comité central, entre Novotny et les hommes qui seront plus tard les partisans de Dubček, s'est faite donc autour de la question nationale ? Elle s'est faite finalement autour de la question nationale, parce que Novotny était un homme borné, qui n'aimait pas les Slovaques. Antonin Lim. Quand il avait des difficultés au comité central, à propos des écrivains déjà, mais surtout après à propos de la réforme économique, il a essayé de dévier un tout petit peu le sujet, la critique, sur un autre sujet, et il a commencé à attaquer les Slovaques. À ce moment-là, naturellement, il a créé au comité central un front contre lui qui était composé des gens qui sympathisaient avec les intellectuels, des gens qui sympathisaient avec la réforme économique, et toute la composante slovaque. Alors, à ce moment-là, c'est cette majorité qui s'est finalement créée, qui n'était pas une majorité uniforme. Ce n'était pas une majorité au comité central qui aurait souhaité une perestroïka, une glasnost en général, mais qui s'est tournée vers Novotny, justement, qui a formé cette alliance de circonstances. Et c'est comme ça que finalement Dubček, étant slovaque, étant chef du parti slovaque, est devenu le secrétaire général du comité central dans une situation complètement imprévue et préparée par personne. Ce que voulaient les Slovaques, c'était en fait être représentés au même titre que les Tchèques à l'intérieur du comité central et avoir une autonomie relative à l'intérieur de la République ? Oui, bon, vous savez que la République et la constitution de la République garantissaient l'autonomie slovaque. Mais les Slovaques voulaient une vraie fédération. Tandis que la constitution tchèque, qu'il a leur a promis au début, a finalement été remaniée à la stalinienne en donnant aux Slovaques toute autonomie dans les mots et ne le donnait pas dans les faits. En plus, l'antislovaquisme novotnien mesquin, petit idiot, a encore envenimé les choses et finalement la situation a mûri. D'ailleurs, vous savez que Husák a très bien profité de cette situation-là. Et finalement, il n'y a que la question slovaque qui, après l'invasion soviétique, a trouvé une solution, disons, correcte, si vous voulez, au moins sur le plan politico-légal. On peut dire que le Slovaque Husák a profité de la victoire de Dubček pour obtenir une réhabilitation presque totale, puisqu'à l'époque, il était marginalisé et considéré comme un homme qui avait été un opposant presque à Novotny. Oui, sauf que peut-être c'était pas nécessairement la victoire de Dubček, c'était la chute de Novotny, parce que Novotny voyait en Husák un ennemi personnel, si vous voulez. Donc si c'était Dubček en Slovaque ou si ça avait été quelqu'un d'autre qui a succédé, tout le monde aurait réadmis Slovaque. D'ailleurs, Husák à cette époque-là était déjà réhabilité, il n'était pas seulement pas admis dans le noyau du pouvoir, si vous voulez. On lui offrait des postes politiques, etc., mais pas assez importants, parce que Husák était un homme très ambitieux. Ijri Pelikan. Il y avait en effet deux programmes à la télévision, un en Slovaquie, en langue slovaque, et l'autre en Tchécoslovaquie, en langue tchèque, mais avec des participations de Slovaques aussi. Alors la spécificité n'était pas en question. Il s'agissait plutôt en 68 de trouver une forme constitutionnelle pour mettre les Slovaques au même niveau avec le peuple tchèque, c'est-à-dire la Confédération. Et c'est le seul point du programme du printemps de Prague qui a été réalisé ou qui a survécu l'intervention soviétique. Parce que la fédération entre les Tchèques et Slovaques a été réalisée au mois d'octobre 1968. Tchèque, tchèque, tchèque, tchèque. Martin Hübner, vous êtes représentant en France du VONS, le Comité pour la défense des personnes injustement poursuivies en Tchécoslovaquie. En 67, vous aviez 16-17 ans, vous viviez dans une ville moyenne à 100 km de Prague. Quelle était l'atmosphère intellectuelle de la jeunesse à ce moment-là ? Alors, j'étais au lycée. On savait bien que quelque chose bouge, disons. Il y était des démonstrations des étudiants. On percevait le retentissement du congrès des écrivains. Mais disons, dans la ville elle-même, il ne bougeait rien. C'était des nouvelles qui venaient de l'extérieur. Disons, le premier écho, c'était le plénum des partis, l'assemblée plénière du comité central du janvier, où on a introduit le changement du personnel. C'était l'avènement de Dubček et de son équipe. Et à l'époque, c'était perçu dans cette ville comme un changement personnel tout à fait ordinaire, de la sorte comme on le fait assez souvent, que les dirigeants sont changés sans que le peuple peut rien dire. Alors, c'était tout à fait dans la tradition du pouvoir communiste. Alors, on ne croyait pas tellement que ça va donner quelque chose. Pourtant, les premières allocutions de Dubček, ça, on s'est aperçu qu'il y a quand même quelque chose de neuf et que le ton change. La langue de cette époque était absolument différente. On peut discuter cette chose théoriquement dans le texte de cette époque. Oui, c'est la différence entre le langage normal, le langage de le monde naturel, le langage d'idéologie qui est absolument fermé, isolé. Le langage de printemps de Prague était absolument différent que le langage de temps précédent et qui est venu après. Petr Mitart, vous étiez donc lecteur en droit et en théorie de l'État pendant les événements de 68. Votre premier souvenir de ces événements remonte à janvier 68. Vous travailliez avec Zdeněk Mlynář. 5 janvier 1968, après-midi, donc avant que la radio pragoise n'annonce le changement à la tête du Parti communiste, et à Prague circulaient divers bruits, j'ai téléphoné à Zdeněk Mlynář à l'Institut de l'État et du Droit pour savoir ce qui en était. Et je lui ai fait part de ma joie en ce qui concerne le changement. Et lui, déjà à l'époque, je souligne donc quelques heures avant l'annonce faite à la radio, m'a atterré avec son proverbial cynisme et m'a dit « Si j'étais à ta place, je ne me réjouirais pas si vite, toi avec ton russe. Moi avec mon russe, je trouverais toujours de quoi manger comme interprète auprès du chef suprême des armées soviétiques. Mais toi, que vas-tu faire ?» Il m'a dit cela avant que tout ne commence. Cela veut dire que certaines personnes devaient pendant tout ce temps être capables de deviner ce qui nous menace. Kousek od nádraží, pod černým baldachínem, komínem vytvořeným, němá bolestí stála nad drenáží. Madonna s mrtvým synem umočeným. Stála smatená nenadálým hlukem, na ruce déští padal, jak slzy velekněze, trochu zděšená pod napilým plukem, co vůbec nevypadal na vítěze. Martin Hübner. Je me souviens que j'ai participé à une commémoration du président Masaryk. C'était au mois de mars 68 et c'était une première manifestation indépendante qui a eu lieu à Hradec. C'était un petit mouvement spontané, disons, parmi les étudiants ou parmi les jeunes gens. C'était la première fois que dans cette ville, on parlait de Masaryk ouvertement ? Oui, après 48, parce que il y a une place qui était, c'était place Masaryk anciennement. Après le coup d'État communiste de 48, c'était, on a changé le nom et on a enlevé son monument. Et à 68, à cette place, on a apporté des fleurs et des couronnes parce que c'était l'anniversaire de sa mort, je pense. Qu'est-ce qui représentait Masaryk à vos yeux? Masaryk, Pour ma génération, c'est assez difficile à dire parce que il nous a été systématiquement occulté. C'est très difficile à se procurer ces écrits et tout cela. Disons, dans tous les cas, même si pour moi, comme philosophe, il y a des critiques à apporter à son encontre parce que c'était un positivisme humaniste. Mais de toute façon, c'était un grand personnage, un fondateur d'État, une personnalité éthique, disons, de grande envergure qui a mis en œuvre l'État tchécoslovaque moderne. Et en ce sens-là, sa signification est incontestable. Et c'est toujours pour les Tchèques une sorte de paradigme moral. Dans le système monolithique des organisations sociales et des syndicats et des associations, tout était toujours, elle est d'ailleurs maintenant, liée par un système de, ça s'appelle le Front National, tout est lié et coiffé par le pouvoir communiste. Tandis qu'à 68, ça s'est délié très vite et les gens, les associations commençaient à fonctionner vraiment d'une façon beaucoup plus autonome. La même chose pour les associations, pour les organisations des étudiants, de la jeunesse et des syndicats. Mais, vous avez le souvenir précis d'un certain nombre d'associations hors Front National qui ont commencé à naître dans le courant de l'année 68 et qui ont eu une certaine importance dans la ville où vous étiez? J'étais pas tellement au courant, vu mon âge aussi, des activités des associations telles que K231 ou CAN. À l'échelle nationale, c'était ça, les associations indépendantes les plus importantes. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'était cette association? Quand c'était le club des non-partis engagés, c'était un club politique à l'échelle nationale qui essayait de rassembler les gens qui veulent, disons, intervenir au niveau politique, qui veulent influer le devenir politique du pays et qui ne sont pas membres du Parti communiste. Et l'autre organisation, K231, c'était l'organisation des anciens prisonniers politiques de l'époque stalinienne qui sont sortis des camps, qui ont lutté pour la réhabilitation, pour l'annulation de leur procès et qui, bien entendu, voulait que cet genre d'injustice et d'arbitraire ne peut plus se renouveler ou répéter. Chaque famille a eu quelqu'un qui a passé par les camps parce que c'était à l'époque de la terreur stalinienne, c'était des centaines de milliers de gens qui ont été emprisonnés et qui ont passé par les camps. Alors, ce qu'on appréciait, c'est que le pouvoir a commencé, avec beaucoup d'hésitation d'ailleurs, à faire des essais dans la réparation des injustices. Disons, les lois de réhabilitation et tout cela, ça nous a paru très important pour que la vie de la société s'assainisse. La séance est ouverte. Levez-vous et écoutez la sentence. Le tribunal d'État a entendu du 20 au 27 novembre 1952 les débats au sujet de l'affaire criminelle des dirigeants du Centre de conspiration contre l'État. Au nom de la République, sont condamnés à la peine de mort, à la peine de mort, à la peine de mort, à la peine de mort, à la peine de mort. Simon, Anders Simon. Au nom de la République, sont condamnés à la peine de privation de la liberté à perpétuité. C'est vous. À perpétuité. Leble. À perpétuité. Aïdo, c'est tout. Donc les trois qui s'ouvrent leur tête, Aïdou, Leuble et vous-même. Ouais. Un délai de réflexion. La séance est suspendue. Lise Landon, alors vous alliez porter l'ensemble du manuscrit de l'aveu pour qu'il soit édité en Tchécoslovaquie le 21 août 68. Vous arrivez, bien sûr, vous ne saviez pas que c'était une date importante et que c'était le moment où les troupes du pacte de Varsovie allaient entrer en Tchécoslovaquie. Mais Arthur Landon, l'auteur de l'aveu, votre mari et vous-même, vous aviez suivi de près ce qui se passait pendant le printemps de Prague. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous étiez concerné. Nous étions non seulement concernés, mais je dois dire que pendant toute la période de préparation du printemps de Prague et pendant le printemps de Prague, parce qu'il y avait là-bas une grande demande de la population tout entière de pouvoir savoir quel avait été le mécanisme qui avait permis de faire ces procès monstrueux. Et la télévision, la radio, les journalistes étaient venus à Paris pour interviewer mon mari, et il y avait eu beaucoup d'émissions à la radio et des émissions à la télévision, et il y avait eu également de grands extraits, des bonnes pages sur le livre qui devait sortir quelque temps après, l'aveu. Donc, nous suivions, et les gens savaient également que London était là et participait à ce renouveau du printemps. Défense de rester immobile. Marchez. Ouais. Le parti a toujours raison. Voilà. Il y a sûrement un malentendu quelque part et la vérité éclatera. Ça, il faut se soumettre aux règles, oui. Même si elles sont dures, ne serait-ce que pour prouver sa bonne foi. C'était les paroles de Staline. Tant de paroles mensongères. Vous voyez évidemment l'étoile du parti, et pour vous ça évoquait la prise du palais d'hiver, ça évoquait Lénine, ça évoquait l'Union soviétique, ça évoquait plein de choses de voir l'étoile du parti comme ça sur la casquette de votre torsionnaire. Marchez ! Quand mon mari a été réhabilité, c'était en 56, juste à la veille du 20e congrès, il n'y a eu que quelques réhabilités, encore c'était des réhabilitations formelles. Il y avait les trois du ministère des Affaires étrangères, London, Aïdou et Leuble, et il y a eu quelques interbrigadistes, quelques anciens membres des brigades internationales, comme Pavel, et encore deux ou trois autres camarades qui ont été, à ce moment-là, réhabilité, mais comme je le dis, formellement, c'est-à-dire qu'ils étaient sortis de prison. On avait dit qu'ils avaient été condamnés pour faussement sur certaines choses, mais qu'enfin, il n'y a quand même pas de fumée sans feu. C'est-à-dire qu'on réhabilitait du bout des lèvres tout en essayant de faire un écran, de former un écran pour qu'il n'y ait pas de contact avec nous. Et c'est clair que la réhabilitation, c'était une des choses les plus importantes. Il y a eu, après le 20e congrès, le début de l'étude des réhabilitations à faire, mais qui s'est arrêté complètement après les événements de Hongrie. Et ceux qui étaient à ce moment-là en train d'être réhabilités sont retournés dans les prisons. Et il a fallu attendre jusqu'à 1960, c'est-à-dire 4 ans après le début des premières réhabilitations, pour que les condamnés, les innocents qui étaient en prison, soient amnistiés, c'est-à-dire sortis, mais amnistiés. Et il a fallu attendre jusqu'en 63 pour qu'une première réhabilitation juridique soit prononcée, mais pas de réhabilitation politique. Et il a fallu attendre 68, et c'est le 1er mai 68 que dans le discours qui avait été présenté par le président de la République, Svoboda, à cette époque-là, il y a eu la réhabilitation, alors éclatante et officielle, de tous ceux qui avaient été emprisonnés innocemment. Est-ce que vous vous souvenez des termes de réhabilitation ? On disait que, en fait, ils avaient été accusés à tort, les accusés du procès de Prague. Ah oui. Là, dans la dernière réhabilitation, il était dit... Dans le discours de Svoboda, c'était net. Il était dit, oui, au moment où ça avait été, après le printemps de Prague, il y a eu la réhabilitation complète où on a dit que tous les procès avaient été fabriqués et que ceux qui avaient été exécutés ou qui étaient restés dans les prisons étaient des innocents. Ça, on l'avait dit d'une façon éclatante. Yvon Fleischmann. On voyait les désirs de la nation se concrétiser pas à pas. Par exemple, il y eut une extraordinaire avalanche de nouvelles revues artistiques et littéraires. Le langage de la presse commençait à changer. La langue du bois cédait le pas à la langue naturelle et culturelle tchèque, puisque le Rudé Pravo de l'époque avant était à peine lisible. Et je pouvais observer de semaine en semaine comment grandissaient les désirs de la population, comment grandissaient les succès des rénovateurs, surtout de ceux à l'intérieur du Parti communiste tchécoslovaque. Mais je voyais également un peu plus distinctement les erreurs qu'on pouvait commettre. Cette possibilité de créer une Tchécoslovaquie démocratique, socialiste, ou ce qu'on appelait à l'époque du socialisme à visage humain, s'est sorti des rangs des communistes. Et la population s'est jointe. Et ça, c'était également la grande, et à mon regret, je crains, la dernière énorme possibilité du Parti communiste tchécoslovaque de se réhabiliter aux yeux de l'opinion publique et vis-à-vis de la nation. Et malheureusement, les soviétiques nous ont empêchés de faire ça. Ce printemps à visage humain a été aussi l'œuvre de tout le peuple tchécoslovaque qui relaya le parti. Hergé Pelikán était alors directeur de la télévision tchécoslovaque. Il y avait la possibilité de donner la parole aux citoyens. Ça peut être un paradoxe que dans un pays qui s'appelle socialiste, les ouvriers ou les paysans n'avaient pas l'accès à la radio, à la télévision. C'était seulement depuis le mois de février que les journalistes sont allés à transmettre soit des réunions dans les usines ou dans les coopératives agricoles, ou aller dans la rue pour demander aux gens ce qu'ils pensent. Il y avait des discussions que je peux vous dire que les gens restaient devant la télévision jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin, commence à les passionner. Alors c'était des discussions sur quoi ? Sur le passé ? Aussi sur le passé, il y avait sur les procès staliniens, il y avait aussi par exemple une série de reportages sur la mort de Jan Masaryk, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il y avait la discussion sur la génération, la responsabilité de notre génération qui était à l'origine du socialisme, etc. Alors c'était des débats passionnés sur tous les problèmes. Y compris sur la question du rapport à l'Union soviétique ? Non, ça, beaucoup moins, parce qu'on était toujours avertis par Dubček lui-même et par les autres dirigeants qu'il faut éviter absolument les polémiques avec nos alliés. Il y avait quelquefois dans certains programmes qui étaient en direct quelques expressions qui pourraient être considérées comme critiques vers l'Union soviétique. Mais je peux vous dire qu'il n'y avait rien de similaire qu'on dit aujourd'hui en Union soviétique sur le passé soviétique. Oui. Mais le courant essentiel était démocratique, était juste, était socialiste. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou pubáci, vždyť už si velikej, to jsou ferme jen porte, vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. L'autre 68, Prague, 20 ans après. Texte dit par Claude et Catherine Rich, Jean-Luc de Batisse. Traduction de Michel et Pierre Fleischmann. Mixage Pierre Mine et Yves Lehors. Une émission de Anne Kobilac, Blandine Masson et Antoine Spire. Cette émission, la première d'une série de 3, a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 août 1988. À suivre le deuxième volet, du printemps à l'été 68, de l'espoir au désespoir. Les années 60, document INA Annie Lozana, réalisation Virginie Mourté, une émission de Philippe Garbi.